À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le journal Lio Panorama et la revue d'internet L'Emchichi de Russie, le journal syrien Al-Baas, le journal vénézuélien B1, la radio nationale cambodgienne et la homepage d'internet du cercle d'études des Ejujutsu de Basque, Espagne, ont fait des rédactions spéciales. Les médias ont inséré les photos du maréchal. Ils ont exalté le dirigeant suprême coréen qui a déjoué les menaces et chantages nucléaires des États-Unis avec son courage sans pareil, sa foi et sa volonté de faire, pour ainsi placer la Corée au premier rang des pays possesseurs du nucléaire, et conduit tous les militaires et civils à la campagne générale pour la victoire finale par sa capacité politique extraordinaire.